murmurait dans les coins obscurs. Et sortait tard le soir. Je me tiens la lourette comme un bout de bois. Dans le poids de ma conscience, à bout de bras. Rêver, t'as le droit à faire, ça coûte rien. Écoute, bras. La chance va et vient comme un coup de rein. Sous le grave, l'espoir contraint. Ça sous le grave. On avance dans une zone à risque. La vie infime, on poire seul, elle scénariste. On s'énerve vite comme un coq, faut danser la rime. Y'a cette voix en toi, ton cœur t'insonorise. Elle frique comme un mirage dans une zone aride. On garde la tête froide, c'est je radote. La vie c'est risqué comme la méduse et son radeau. Tu vois le tableau. Tu bascules d'un jour à l'autre. Aussi vite qu'un ruche, moi la roulette, je relate. Les histoires rien de grave, on en verra d'autres. Qu'est-ce qui s'offre à nous? Qu'est-ce qui s'offre à nous? Qu'est-ce que le sort fera de nous? Qu'est-ce que le sort fera de nous? Même question, même sur froid, non. Prendre des risques maintenant. Pour toucher nos rêves ou juste un fragment. J'ai suivi de mauvaises pistes et des vices puériles. Dans la foule et l'hystérie, moi je vise des disques terribles. Dans nos vies, l'histoire triste et stérile. L'artérique c'est périple, la tes risques et périls. De mauvaises pistes et des vices périls. Dans la foule et l'hystérie, moi je vis des disques terribles. Dans nos vies l'histoire triste et stérile. L'artérique c'est périple, la tes risques et périls. Comme vous le diable m'a fait danser. D'enivrantes valses, comme les femmes à Vienne. Chaque jour pire que la veille, je manigançais. Quand rien avançait, je pensais que c'était pas ma veine. On escalade la ville et l'explore de A à Z. Mal à la vie, ça commence gosse, malade à la zeb. Mal à la tête, j'avais pas le nez dans l'algèbre. 8, 6 fois 7, plutôt le nez dans ma gerbe. On se balade avec des fourbes et des scapins. J'ai connu des catins, des serpents, des escarpins. Pas de pardon, j'ai brûlé les vieux calepins. Rouler des cartons et flirter avec des parpaings. L'amour des billets bande pas chaque fois que t'en palpins. Fais ton bis tant que t'as le temps, hey. Belle et quand t'as le tien. Tant que t'as le cran, prends les diamants dans les crins. Mais comprends qu'on te rend le fruit de chaque mauvais grain. J'ai subi de mauvaises pistes et des vices périls. Dans la foule et l'hystérie, moi je vise des disques terribles. Dans nos vies l'histoire triste et stérile. L'artérique c'est périple, la tes risques et périls. J'ai subi de mauvaises pistes et des vices périls. Dans la foule et l'hystérie, moi je vise des disques terribles. Dans nos vies l'histoire triste et stérile. L'artérique c'est périple, la tes risques et périls. Entre mes doigts, le mic m'échappe, j'ai les mains. Moite mat, autour de toi trop pute avec le diable en moite mat. Entre mes doigts le mec m'échappe, j'ai les mains moite mat. Autour de toi trop pute avec le diable en moite mat. C'est risqué comme prendre le volant avec un couteau. Aller parler à la main de ta femme avec un couteau. Et on se disait jeune dégourdi goûtant goudron. Presque fou pour tout déborde, suffit d'une goutte d'eau. Mille dangers nous guettent et qu'on déboule. Malo qui bolle à la gueule à cause des douilles. Il en découle des doutes et des relations ambiguës. Finalement l'humain me dégoûte. La rage dans la mandibule. Tu voyais la vie belle navrée, j'éclate la bulle. Viens la vérité. Tel un flot de magma cool. Implacable c'est qu'elle quand le mal m'accule. A tes risques pile. Trinita au mic ma couille. J'ai subi de mauvaises pistes et des vices périls. Dans la foule et l'hystérie, moi je vise des disques terribles. Dans nos vies l'histoire triste et stérile. A tes risques c'est périple, à tes risques et périls. J'ai subi de mauvaises pistes et des vices périls. Dans la foule et l'hystérie, moi je vise des disques terribles. Dans nos vies l'histoire triste et stérile. A tes risques c'est périple, à tes risques et périls.